Je voudrais être millionnaire. Dans une résidence papillonnaire. Riche ou révolutionnaire. Millionnaire, ouais. Tu voudrais brasser des mille, ouais. Mais tu n'as que le SMIC, hein. T'aimerais choper des mifs, non? Mais tu n'as pas le titre. Tu t'imagines tous les jours à bord d'une putain de Bentley. Chill avec Bender devant la bendo. Tu joues le bandit. À ce qu'il paraît, ton compte est à découvert. Malgré le manque, tu remets le couvert. Jamais tu n'apprends, tu penses être honnête. Tu vas redescendre de ton nuage net, net. Tu t'es endetté, tu t'es endetté. À dépenser trop de money. Tu voudrais être millionnaire. Dans une résidence pavillonnaire. Riche ou révolutionnaire. Millionnaire, ouais. Tu voudrais être millions blindés sous commission, tu fermes ta bouche et nuit. Carrosserie par balle, tous les vitres teintés, Versace et Gabbana, bouche et mie. Par tous les moyens qui t'a traversé la zone en chien, faire la route à pied. Tu fais le feuché, t'as zéro pouvoir d'achat, mais tu kifferais claquer du papier. T'as vendu des vies, sorti du dépôt, demain tout est fini, fais des promesses. Sortir de la tête, sortir de la haisse, tu veux qu'on tienne la porte quand tu sors de la caisse. Personne te comprend, t'es pas fou man, t'as juste de l'avance comme un visionnaire. Mais je te comprends, après tout t'es qu'à un million d'être millionnaire. Dans une résidence pavillonnaire. Riche ou révolutionnaire. Millionnaire, ouais. La vie ne fait pas le moine. La richesse n'embellit pas la. La vie ne fait pas le moine. La richesse n'embellit pas la. Tu voudrais être millionnaire. Dans une résidence pavillonnaire. Riche ou révolutionnaire. Millionnaire, ouais.